la coya millénaire sur son bûcher. Une odeur pareille à celle de l'encens, mais plus forte, plus exaltante, se répandit dans le temple. Les fumées des brûle-parfums se rejoignirent sous la voûte pour prendre leur essor par le trou circulaire qui découpait au-dessus de toutes les têtes un disque d'azur et qui bientôt le cacha. Aussitôt, les deux mamaconas qui devaient mourir se levèrent et coururent au roi en protestant selon le rite. « Ô roi, lui dirent-elles, nous te supplions de faire cesser toutes les fumées de la terre. Comment veux-tu que le soleil donne le signal du sacrifice si elle nous cache son visage ?» Le roi fit signe, et les brûle-parfums furent éteints, et le disque d'azur rayonnant reparut. Alors on vit sur les trois bûchers, les trois gardiens du temple, les trois petits gnomes à crâne déformé, qui tenaient en leurs mains immobiles un miroir de métal, dont ils dirigeaient les rayons sur une petite quantité de coton déposée au centre de la plateforme de résine. Ainsi attiraient-ils, pour mettre le feu au bûcher, la bonne volonté du dieu. Sur cette plateforme, il n'y avait aucun poteau, rien à quoi on put attacher les victimes, lesquelles devaient brûler, à peu près volontairement. Mais le pire qui pouvait leur arriver était que le dieu ne voulût pas d'elles. S'il n'en voulait pas, il n'avait qu'à se couvrir le visage d'un nuage, et le bûcher ne brûlait pas. Celles qui devaient mourir n'avaient plus qu'à vivre, mais à disparaître. Elles devenaient la honte de la nation. Elles savaient cela, celles qui, la face anxieuse, les yeux agrandis par l'espoir en la bonté du dieu, attendaient la première flamme. Autour d'elles, l'assemblée chantait et priait le dieu qui leur fut propice, et les miroirs restaient toujours immobiles entre les mains des trois gardiens du temple. Si le bûcher destiné à la dépouille de la coya, vieille de 1000 ans, dont la nouvelle coya allait prendre la place dans le mur du temple, ne s'allumait pas, cela ne signifiait point que le dieu ne voulait pas de l'épouse nouvelle, et celle-ci était toujours descendue vivante dans la tombe de l'ancienne. Cela signifiait que l'ancienne n'avait pas su plaire au dieu pendant les 1000 années de mariage solaire, et que les restes ne méritaient point l'honorable sépulture du feu. Alors on les jetait aux égouts de la montagne, domaine des vautours noirs. Or, ce jour-là, des trois bûchers, celui qui s'alluma le premier, fut celui de l'antique coya, et aussitôt on alla la chercher. Elle était toute prête. Des chants retentirent en son honneur, et les prêtres firent tomber un voile de pourpre que Raymond n'avait pas remarqué dans le flamboiement de ce temple d'or et de porphyre. Le rideau arraché laissa voir, dans la muraille, un trou dans lequel pouvait tout juste se tenir une personne assise. C'était l'une des 100 tombes du temple de la mort, et dans ce trou, on apercevait la vague silhouette de la coya millénaire, encore soutenue par les bandelettes. Ce n'était plus guère qu'un squelette, car, enterrée vivante comme toutes les autres coyas de ce temple, elle n'avait eu, une fois morte, pour tout embaumement, que l'encerclement de ses bandelettes parfumées. Toutefois, la vertu de ce sol péruvien de conserver ses morts se manifestait une fois de plus, en montrant entre les bandelettes non point les os, mais la peau du visage. C'est ce dont pouvaient se rendre compte les curacas et les néophytes et les prêtres placés de ce côté du temple. Raymond ne voyait qu'une morte assise et il ne pensait qu'à une chose, c'est qu'elle allait céder sa place à Marie-Thérèse, qui peut-être n'était point morte. Et une fois encore, sincèrement, il souhaita qu'elle le fût. Si elle ne l'était point, quelle devait être sa torture? Si elle pouvait penser encore derrière ses paupières closes, quelle devait être sa pensée? Peut-être, en ce moment suprême, songeait-elle à lui, qui avait été incapable de la reprendre à ses bourreaux. Peut-être, à cette heure infernale, où se déroulaient pour son supplice toutes les affreuses pratiques de l'antique superstition, songeait-elle à leur calme et bourgeois amour, qui était né si paisiblement dans leur cœur simple et si peu avide d'aventure. Quel destin que celui qui avait pris cette jeune fille, occupée uniquement des intérêts d'une entreprise commerciale, au sein de la moderne civilisation, qui ne vit point de contes fantastiques mais de bonnes et saines mathématiques, qui l'avait arrachée à une table-bureau entre un livre de caisse et un copie-lettre pour la jeter en croupe de la chimère. Et celle-ci, monstre fabuleux qui franchit tous les espaces, lui avait fait remonter en quelques heures tout le chemin parcouru depuis des siècles par les hommes et venait de la jeter sur le rivage barbare où brûlaient encore les bûchers de l'aurore du monde. Hélas, on mourait donc encore comme Iphigénie, jeune, belle, en pleine santé et déjà prête pour l'époux. Ah! comme elle tenait les paupières closes pour ne point voir l'affreux cauchemar, la chimère, la hideuse chimère qui rôdait autour d'elle avec son odeur de soufre et tous ses parfums honteux et sa tête de mamacona. Mais encore une fois, tout simplement, peut-être, était-elle morte. Elle avait dû mourir quand on lui avait enlevé le petit garçon, ou quand elle avait entendu le cri de l'enfant supplicié dans la chapelle du grand Capahuamac. Les prêtres avaient retiré la vieille Koya de son trou et ils l'avaient portée dans sa chaise royale sur le bûcher. Cette Koya, qui allait brûler, avait conservé attitude que doivent avoir les Koya quand elles meurent étouffées par l'absence d'air dans leur tombe, c'est-à-dire une attitude des plus dignes de reine, assise sur son trône, et on faisait cette attitude-là en faisant le trou de la tombe des Koya si étroit que, dans leur agonie, elles ne pouvaient que rester assises. Ainsi, celle-ci brûla-t-elle, assise et si calme au milieu des flammes, que les mamaconas, vouées au même supplice, l'envièrent. Raymond ne regardait plus les bûchers, ni Marie-Thérèse, mais le trou dans lequel on allait mettre celle-ci. Il se disait que si elle était encore vivante, et si on pouvait encore la sauver, il ne faudrait pas perdre de temps pour la sortir de là. Et sa main se crispait sur le manche de la pioche d'Orellana, mais son autre main avait toujours le revolver et toujours une furieuse envie de tuer. Il aurait voulu aussi que Marie-Thérèse ouvrît les yeux si elle n'était point morte. Cependant, les deux autres bûchers ne s'allumaient toujours point, et les mamaconas commençaient de gémir, car elles devaient mourir avant Marie-Thérèse, comme cela était écrit, pour aller lui préparer sa chambre dans les demeures enchantées du soleil. Et si le soleil n'allumait point les bûchers, elle n'arriverait jamais à temps. Elles dressèrent vers l'astre des gorges haletantes, des mains suppliantes, et elles dirent « Ô soleil, nous sommes des femmes, donne-nous la force qui peut nous manquer. Salutaire rayon du soleil, soyez-nous propices. Roi du ciel, vois notre destinée, envoie-nous ta flamme, aie pitié de nous. » Tous les cœurs reprirent après elle la litanie, 10 fois, « Envoie-nous ta flamme, aie pitié de nous. » Mais le soleil n'envoya sa flamme que lorsque la fumée du premier bûcher se trouva à peu près dissipée, ce qui ne tarda pas du reste, car les veilleurs du sacrifice activaient la combustion en versant sur le bûcher des parfums lourds d'alcool. Dès que les gardiens du temple furent descendus avec leurs lentilles et que la résine commença de pétiller, les deux mamaconas, laissant tomber leur robe de fête, s'élancèrent sur leur bûcher comme des folles, avec des cris d'allégresse, et elles attendaient d'être prises par la flamme avec des yeux d'extase tournés vers le ciel, cependant qu'une musique infernale éclatait autour d'elles et qu'une exaltation sauvage gagnait toutes les autres mamaconas qui dansaient autour des bûchers. Bientôt, la flamme enveloppa les deux malheureuses qui jetèrent un cri terrible, et l'une d'elles se sauva. « Reviens dans la flamme, reviens dans la flamme !» lui crièrent ses compagnes en l'entourant. Mais l'autre hurlait de douleur et réclamait le couteau du sacrificateur. Alors le gardien du temple au crâne hideux, casquette crâne pour le goût du sang, lui enfonça son couteau d'or dans la gorge et le sang jaillit sur les voiles noires des mamaconas, lesquelles reprirent leur danse et leur chant. Quant à la victime, elle était tombée, à demi-morte, entre les petits poings hideux des deux autres gardiens du temple qui la repoussèrent sur son bûcher, où elle disparut. L'autre mamacona avait subi le supplice debout, n'ayant jeté que le premier cri terrible, et quand elle s'effondra dans la prodigieuse corolle écarlate que lui avait envoyée le dieu pour la transporter dans les demeures du soleil, des clameurs enthousiastes saluèrent ce triomphant martyr.